Bonjour. Je n'ai pas pu répondre à des messages hier, j'avais quelque chose, mais ce matin, j'ai vu que quelqu'un a partagé quelque chose de Krishnamurti, qui est une personne pour qui j'ai un respect, là. Il a reviré les théosophes d'abord quand c'était le temps. Puis c'était ce qu'il fallait faire, et puis c'est merveilleux. Et aussi, là, un paquet de petites anecdotes intéressantes par rapport à ce monsieur-là, qui a désamorcé quelque chose qui aurait pu devenir un problème, et puis finalement, mais ça continue encore aujourd'hui. Il y a certains regroupements qui sont, bon, je ne vais pas faire la critique ou l'apologie des choses comme ça, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et puis, de quoi je me suis dit, bon, je pourrais parler de l'Inde. De l'Inde parce que, encore aujourd'hui, il y a un attrait pour l'Inde. Comme par exemple dans les années 60, 70, il y a eu un attrait pour l'Inde, ce qui n'était pas bon signe. Mais à mes yeux, l'Inde est dans une stase. Il y a des forces retardateurs qui empêchent de. Bon. Comme par exemple, si vous prenez un arbre, disons ici, il y a le sol, et puis les racines de l'arbre, c'est-à-dire les organes avec lesquels il boit, et puis il prend les minéraux, sont dans le sol. Je vais faire des petites racines. Bon, c'est pas les dessins d'or, hein? Le corps de l'arbre, avec quoi il prend l'oxygène, comme nous, les poumons sont dans la poitrine, et avec quoi il prend l'oxygène, la lumière, pour la transformer, en faire quelque chose de nourricier, est à l'extérieur, nous. Bon. C'est pas un très bel arbre. Bon, on dirait l'arbre du canal famille. Bon, on reconnaît un arbre. Non, il est pas mal plus laid, le mien. Et puis, on peut considérer que, donc, au niveau de ce végétal-là, par rapport à l'être humain, comme ce qui est par rapport à prendre l'eau, les minéraux et dans le sol, et puis ce qui prend l'oxygène et la lumière est en dehors, c'est un peu comme un être humain qui a la tête, là, ici, dans le sol, puis le corps, là, en dehors. Un peu comme ça je le vois. Pour aujourd'hui, encore en Inde, il y a des fakirs, des yogis, des brahmanes qui s'enterrent la tête dans le sol comme ça. Qu'est-ce que ça apporte au niveau évolutif pour l'humanité? Rien, parce que même s'il y en a, ils vont admirer la volonté, la capacité de ralentir le système sympathique, des choses comme ça. Il reste que c'est une régression dans le végétal. Ça, c'est à mes yeux que je le vois. Il y a une régression dans le végétal. Quand quelqu'un s'enterre la tête dans le sol, il se met le corps en dehors, il reste comme ça des heures, au point où il tombe dans un certain. Il faut qu'il se mette lui-même volontairement dans un certain état de léthargie. Il y a quelque chose de malsain, là. Et puis, comme par exemple en Inde, vous avez les gens qui, pour des raisons de décroyance en le karma, et puis ils vont se mettre un bras dans les airs pendant des décennies, au point où le bras devient atrophié, devient comme une vieille branche d'arbre toute desséchée. Ça, dans les faits, c'est quoi? C'est de l'automutilation. Et ce n'est pas intelligent. C'est abominable, même. Quelqu'un qui s'est fait dessécher un bras pendant des années en le maintenant dans les airs, qu'il n'est plus irrigué en sang, c'est abominable se faire quelque chose comme ça. C'est horrible même. Et puis c'est pareil pour une régression dans le végétal comme ça, qui à mes yeux, à moi, est évidente là, à cause de la façon dont je vois le végétal. C'est abominable jusqu'à un certain point. Donc, l'Inde est dans une stase, au niveau évolutionnaire, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces retardateurs qui sont liées à de la mémoire. Parce que c'est des traditions, c'est des. Mais c'est nuisible, là, au sens où c'est peut-être. On peut le voir comme mon opinion, mais moi je vous dis, c'est ça que je vois. Je le vois comme ça. Et puis si vous prenez ce que l'Inde produit par rapport à l'Occident comme problème, ben. Il y a Krishnamurti que c'est très bien, là, je n'ai rien à dire, au contraire. Vous prenez Sri Aurobindo, mais si vous regardez Sri Aurobindo aujourd'hui, l'ashram à Auroreville, Il y a des abus sexuels, ça se suicide, il y a même des meurtres. Ça a régressé, là. Et puis, Sri Aurobindo, il se connaissait ces lois-là qui de dégénérescence des formes et puis de ce genre de structure humaine-là. Et c'est pourquoi il n'aimait pas le mot ashram. Et c'était prévisible, là, cette dégénérescence-là. C'est une corruption, là, de... Bon. Donc, il n'y a rien à aller chercher là. Au contraire, à part si vous voulez avoir des problèmes et vivre des expériences déplaisantes, ben là, allez-y à Auroreville, vivre dans l'ashram. Peut-être ça peut faire partie de votre expérience. Peut-être que ça peut. L'expérience sert toujours de toute façon. Mais moi, j'irai jamais en Inde. Je le sais qu'il n'y a rien là. Il n'y a plus rien. Puis ça peut sembler arrogant de ma part de dire ça, mais. C'est comme je vous dis, là, l'intérêt pour l'Inde des années 60-70, à mes yeux, c'est malsain. Prenez des gens comme... Prenez le Saïd Baba, là, celui qui avait une coupe afro, que moi je considère comme quelqu'un de satanique, là, pas au sens où les gens l'entendent aujourd'hui, mais au sens où il se prenait pour un maître, et puis la domination dans l'esprit, et puis faire des tours de passe-passe pour faire apparaître des choses en toc, la drogue, toutes sortes d'histoires d'abus épouvantables. Vous prenez Osho Bhagwan Rajneesh qui demandait à ses adeptes, ben moi, mes yeux, il n'y a pas de maître. Donc, dès que quelqu'un a une relation maître-adepte avec des gens, il est dans une forme de domination, puis c'est mauvais. Comme Bhagwan Rajneesh qui demandait à ses adeptes de mettre son portrait ils portaient le portrait de Rajneesh dans leur cou. Et puis il tombait dans des états de les yeux morts, puis les danses, puis les transes. C'est de la dépersonnalisation, là, c'est du conditionnement, c'est purement mauvais. Il prenait plein de drogues, et puis il est mort du sida. Et puis c'est pareil, là, du côté des Occidentaux, du monde comme Jim Jones ou David Koresh. Dès qu'on se met dans une croyance, dans des doctrines, il y a un danger. Il y a un danger d'être dominé par des formes dans le mental, puis de se faire dominer par un bonhomme comme ça qui se met à mi-chemin puis qui utilise les formes pour des raisons de contrôle à l'extérieur de lui, parce qu'il n'y a pas de compte. Il manque quelque chose là à l'intérieur. Et puis c'est pour ça, moi, que je vous dis qu'à l'Inde, s'il est pour avoir un grand attrait encore pour l'Inde, c'est certain que je vais dénoncer ça comme quelque chose de retardateur. L'Inde n'est pas un exemple, là. Vous avez des gens comme des brahmanes qui ont un extraordinaire contrôle d'eux-mêmes jusqu'à un certain point, mais des fois je vois ça comme des régressions. Mais vous allez aussi avoir qu'une jeune femme occidentale est mieux de ne pas se promener seule là, dans certaines rues, elle risque d'être violée en bande organisée. Ça donne quoi si dans une société il y a des gens qui ont énormément de contrôle, puis que le reste de la majorité, au fond, on risque Puis j'ai du respect là, pour l'Inde. Moi, je respecte toutes les sociétés. Et puis j'ai de l'affection pour toutes les sociétés. J'ai un grand intérêt quand même pour l'Inde. Mais il n'y a rien là-bas, là, il n'y a rien de bon. Puis c'est dans une période de stase. Et comme je le disais dans une autre vidéo, les cadavres dans le Gange. Et puis c'est des choses qui parlent. C'est des choses qui parlent au sens où on voit qu'il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué, là. C'est ça la stase, c'est bloqué. Même il y a un danger de régression. Donc, l'attrait pour l'Inde. Regardez dans les années 60-70, cet attrait-là pour l'Inde est venu de pair avec l'idée de prendre des drogues. Et puis, tout ce qui était le psychédélique. Et puis, mais il n'y a rien de. Si vous voulez atteindre des états de conscience modifiés, ça va être lié à votre conscience par rapport à elle-même en elle-même. Et puis, si vous êtes obligé de prendre des substances extérieures à vous pour vivre des états il y a un problème, là. C'est pas en prenant de la drogue. Et puis, ceux qui ont fait la promotion, là, du LSD, et puis, moi, je soupçonne qu'il y a eu des intérêts gouvernementaux derrière ça parce que les États-Unis, par exemple, avaient intérêt à avoir des contestataires. Gelé pas mal, là. Il aimait mieux voir des contestataires dans la mode d'être gelé, puis que du monde éveillé pour vrai. Parce que ces drogues-là, les LSD, puis c'est des compensations. C'est des compensations. Puis en plus, ça ouvre les centres psychiques, au sens où des gens qui ne sont pas prêts entrer en contact avec certains plans, sont projetés d'un coup par rapport à ces plans-là, une relation, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Regardez la famille Manson. D'ailleurs, des choses très curieuses par rapport à ce groupe-là, ils distribuaient le substitut en vendant un type de LSD qui s'appelle, je crois, Orange Sunshine. Orange Sunshine. Et c'est les laboratoires de la CIA qui étaient reconnus pour synthétiser ce type de LSD-là. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Et puis bon, ils vont. La police s'en vient. Je vois le retour de certaines choses ou des choses qui ont toujours été là, mais qui recommencent, qui. Nous allons voir des choses comme Jim Jones et nous allons en revoir. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. Quand j'ai des correspondances avec d'autres gens qui sont dans le supramental, qui ont une compréhension de certaines choses, il n'y a pas de maître, là. Il n'y a pas d'adepte, il n'y a pas de maître. C'est une relation toujours d'un égal à l'autre au niveau d'un respect de l'expérience de l'autre. Et même si des fois, c'est pas, il va avoir un ajustement. Il va avoir un ajustement pour que la relation soit d'égal à égal tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de maître. À un moment donné, quand on le réalise, vous ne pouvez être maître que de vous-même. On ne peut pas sortir de soi. Donc, à quoi bon se mettre à idolâtrer des gens et puis il reste que, moi je vous dis, là, quand vous voyez des choses comme ça, de ne pas tomber en admiration pour des choses comme ça. Que le brahmane qui s'enterre, même c'est triste, là. Bon, ben, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce que j'avais envie de parler. Et puis, si jamais, là, si quand vous écrivez, je lis tous les messages, là. Puis, j'ai un grand intérêt. Et puis, comme je vous dis, là, Krishnamurti, c'est quelqu'un que j'ai un respect, pas au sens d'un maître, mais au sens de quelqu'un qui a fait sa job, qui l'a fait comme il faut. Quand même, c'est sûr, il ne devait pas être nécessairement parfait. Mais ça, là, revirer les théosophes d'abord, et puis, waouh, c'est excellent. Ben, probablement, il a vu que c'est ce qu'il devait faire, puis qu'il n'y avait pas bon. Il voyait, fait qu'il l'a fait. Puis, c'est super, merveilleux. Oh, ben, bonjour.